Je vais maintenant et enfin passer la parole à Anne-Marie Duguet, que j'ai brièvement présentée tout à l'heure, dont la liste des publications est extrêmement impressionnante, donc je ne vais pas tout citer, mais tu es directrice notamment donc, de la collection Anarchive et tu viens de faire paraître une toute dernière publication autour de Fujiko Nakaya, une artiste japonaise dont tu nous diras peut-être quelques mots tout à l'heure. Je te laisse la parole maintenant. Bien. Je remercie d'abord évidemment le collectif d'organisation de m'avoir invité à faire ce retour vers les premiers temps de la vidéo, et je remercie en particulier Hélène Flequinger pour son enthousiasme d'abord. C'est quelque chose qui manque tellement dans les recherches, ce type, pour son enthousiasme et évidemment pour la qualité de ses recherches. J'avais le plaisir d'être membre du jury de sa thèse. Alors, seul devant vous, je vais évoquer des expériences, des pratiques qui ont été le fait de collectifs, de plusieurs collectifs, mais je suis tout à fait rassurée et déculpabilisée d'être seule, puisque ces collectifs vont être présents pendant toutes les séances suivantes. Quitte à vous décevoir, je n'ai jamais appartenu à un collectif vidéo militant. Je les ai simplement connus, suivis, soutenus par des écrits ou autre chose, et j'ai surtout beaucoup appris d'eux. Je vous dirai après pourquoi. Alors, Hélène me suggérait ou m'incitait plutôt de vous dire deux, trois mots sur un parcours personnel, peut-être qui peut expliquer la raison pour laquelle je me suis tellement intéressée à ces collectifs vidéo. Mes collectifs à moi étaient ceux du théâtre. C'était le théâtre de l'Aquarium qui, quelques mois avant les événements de mai 68, avait monté un spectacle qui était une pièce de théâtre qui était une adaptation des Héritiers de Pierre Bourdieu. On ne peut pas dire que ça tombait parfaitement bien. Nous avons joué cela d'abord à Clermont-Ferrand le 30 avril 1968 et puis ensuite à l'École des Beaux-Arts en mai. En mai 68 aussi, j'ai rejoint un groupe qui s'appelait, vous êtes bien assis, ça s'appelait Événement Dramatique Révolutionnaire. Vous voyez, on n'avait pas peur des mots à l'époque. Et puis j'ai participé à quelques, alors spectacles, c'est pas tout à fait le terme, mais défilés spectacles du Bread and Puppet Theater. En France comme à Berlin, qui protestait alors contre la guerre du Vietnam. Et puis enfin, je ne vais pas être trop longue là-dessus quand même, ce fut pour moi parallèlement à la découverte de la vidéo, et c'est pour ça que ça me paraît important, la création du groupe de théâtre de l'opprimé en France avec Augusto Boal. Nous avons créé un noyau. J'ai pas beaucoup de dates parce que j'arrive pas à accéder à mon bureau et à retrouver des choses en ce moment, mais c'était vers 74-75. Et avec le théâtre de l'opprimé, je ne sais pas si vous le connaissez, mais il s'agissait là d'apprendre à prendre la parole. Et c'était un entraînement que nous faisions à intervenir, disons à arrêter le cours des choses. Pendant qu'une scène se jouait, quelqu'un disait stop, stop, et allait prendre la place d'un personnage, et il interprétait ou il essayait un autre comportement, une autre parole. Et en repensant à cela, vraiment, je refais le lien personnellement, très précisément, avec ces prises de parole qui ont été le fait de beaucoup d'expériences avec la vidéo. Bon, j'étais à l'époque assez exaspérée, je le suis toujours, par pas mal de positions démagogiques qui consistent à donner la parole, qui font participer. J'ai toujours trouvé qu'il y avait beaucoup de dédain, voire du mépris, et en tout cas souvent de la bonne conscience, tout simplement, dans ces paroles que l'on donne. La parole se prend. Et avec Boal, c'était cela qui était proposé. Les gens avaient la possibilité donc de casser l'ordre du discours. Donc c'est du théâtre que je viens pratiquement et théoriquement aussi, puisque ma thèse, la première, était sur les jeunes théâtres alternatifs. Enfin, c'est en écrivant pour Travail théâtral des articles qu'Émile Kopferman, qui travaillait alors chez Maspero, qui a diffusé donc quelques premières vidéos, que Kopferman m'a commandé ce livre, dont je n'ai jamais vu autant d'exemplaires sur une même table, sauf le jour de la signature, et que vous m'avez amené à relire pour la première fois. Je ne suis même pas arrivée au bout. Là, je me suis dit, à partir de l'art vidéo, j'arrête, puisque ce n'est pas mon sujet. Mais bon, c'est assez un exercice difficile pour moi. Je ne veux pas faire de manière, mais je m'y suis trouvée assez hargneuse et voire méchante. Alors, je ne sais pas si ça m'intéresserait de relire ça plus calmement, peut-être. Donc, la question, une des grandes questions en écrivant cela, et à la fin des années 70, et comme toute tentative d'écrire un bout d'histoire, c'est la question du rapport entre une distance et une implication que l'on a à l'égard des réalités vécues et observées. Bon, à la fin des années 70, j'étais plus tout à fait dans l'histoire immédiate des événements, mais encore quand même dans la mouvance des luttes qui se poursuivaient après mai 68. C'était, disons, une quasi-contemporanéité. La distance, qu'elle soit temporelle ou qu'elle soit un élargissement du point de vue, est évidemment nécessaire. Et non pas parce qu'elle engendrerait naturellement de l'objectivité. Ça, c'est un mot, un terme suspect, s'il en est. Mais tout simplement parce qu'elle favorise, cette distance favorise la mise en relation de niveaux, la mise en relation d'approches différentes, ou comme le dit Michel Foucault, de régions. Et je trouve que vraiment elle facilite la distance, devrait faciliter, mais c'est plus facile à dire qu'à réaliser vraiment, c'est très long à faire. Elle facilite la production d'un tissu historique qui prenne en compte une multiplicité de paramètres. Faute de quoi, on est condamné à rester à la surface des événements, à s'en tenir au visible, voire à s'engloutir dans l'accumulation des documents, ce qui, avec un archive, m'est arrivé assez régulièrement. Mais en même temps, je repense à Chris Marker qui, dans son immémori, qui disait qu'il avait accumulé plein de photos, plein de documents, et j'ai plus la citation exacte, mais que c'est à la fin, c'est avec toute cette totalité, avec tous ces documents, ça lui avait permis de tracer des lignes dans son labyrinthe. Je ne sais plus, il a une très belle expression, je regrette de ne plus l'avoir en tête. Mais en fin de compte, l'accumulation, rassembler des documents, quelquefois comme ça, sans trop bien savoir, enregistrer des paroles, elles sont là, elles font vibrer. Et eh bien, c'est peut-être intéressant, parce qu'après, après coup, quelquefois, on arrive à dégager des choses qu'on n'attendait pas. Excusez-moi, je ne sais plus pourquoi je vous dis ça, mais simplement, oui, je me relis à Foucault que je ne cite pas tout le temps, mais son archéologie du savoir a été pour moi une source, pas tellement théorique, mais une source de conception quand même d'une approche qui était très importante. C'était comment essayer de penser la construction d'un savoir. En particulier, quand on essaye de faire une histoire, on est très souvent pris dans une approche à caractère généalogique. C'est-à-dire qu'on va essayer, ces approches-là vont s'évertuer à trouver quel est le premier groupe, quelle est la première vidéo. On a vu tous les débats autour de Nam June Paik, Vostel, qui était le premier. Là, je dois dire que c'est moi un débat qui m'a jamais franchement intéressée, même si j'étais certainement prise dedans. Mais ce qui me paraît plus important, c'est toujours bien de savoir quand même comment se sont déroulées les choses. Hein. Mais plus important encore, c'est d'essayer de mettre en évidence des relations. Alors, dans le cas qui nous intéresse, dans le cas qui nous intéresse aujourd'hui, et Hélène tout à l'heure l'a évoqué, il s'agit et puis c'est Alain, non, oui, aussi. Il s'agit précisément de saisir des concordances, des modalités d'échange, d'influence entre plusieurs émergences à un moment de l'histoire. Ici, c'est celle d'une technique nouvelle de production et enregistrement des images et des sons. Et puis, c'est l'émergence de pratiques qui sont liées à des enjeux politiques, à des situations politiques qui sont nouvelles, à des développements idéologiques et à des réflexions théoriques aussi. C'est cet ensemble-là qui doit être pris en compte. Mais c'est compliqué, comme je le disais, parce que la complexité de ces interrelations échappe constamment et qu'il y a constamment, on peut dire, une tentation, une menace de réduction. Elle est toujours présente, c'est toujours plus facile de dire, eh bien voilà, il y a eu cette technique, donc ça a produit cela, ça a permis ça. On commence par faire quelque chose d'assez complexe et on termine de façon quelquefois un peu simpliste. Et en particulier, la grande menace, moi, que j'ai toujours trouvée, c'était celle d'un déterminisme technologique, justement, de s'en remettre à cette spécificité dont il a été question pour arriver à expliquer des choses. Je vais passer. Alors là, je parlais de la distance et de la nécessité de mettre en relation des domaines. Mais la question de l'implication et d'une certaine manière de la courte vue, je la défendrai comme l'accumulation. Là, je joue un peu l'inverse. Elle est nécessaire dans l'élaboration des documents. Elle suppose une proximité, un suivi des expériences, ou je dirais plutôt leur partage, ou voire éventuellement leur partage. Enquête, observation, Yvonne Lefebvre le sait bien dans son approche de sociologue, c'est un très long travail, ça ne s'improvise pas. Et l'approche impliquée, c'est vraiment ce que j'avais particulièrement apprécié dans la thèse d'Hélène Fleginger. Fin 70, j'ai dû commencer à faire ce travail vers 77-78, il est publié en 81, je ne sais plus très bien, mais je crois que j'ai commencé à cette période. À ce moment-là, il était possible de recenser à peu près, on n'est jamais exhaustif, c'est une illusion, ça, de recenser à peu près tous les acteurs et actrices de ces usages de la vidéo en France, pour rester modeste. Le matériel était encore peu répandu, donc on les repérait, c'était des militants, c'était des éducateurs, des artistes, quelques étudiants qui commençaient à y avoir accès. Des étudiants, c'était à l'université de Vincennes, et puis à l'UP6, au département d'architecture des Beaux-Arts, où dès 1969, Alain Jacquier avait installé du matériel vidéo. Il y a eu aussi la création ensuite de centres de ressources, etc. À Paris 1, à l'université de Paris 1, où j'ai commencé à enseigner en novembre 70, ça fait vieux, j'ai enseigné en esthétique et art plastique, nous avons acheté un équipement vidéo, et là j'ai mis en rouge parce que je ne sais plus la date, c'était ou l'automne 72 ou le printemps 73. Plus. Alors j'avais entendu parler des magnétoscopes seulement, à l'époque. Et comme je faisais un cours sur la théorie des médias, plutôt des masses médias, on employait ce terme à l'époque, qu'on n'utilise plus aujourd'hui, c'était un cours qui parlait de McLuhan, Marcuse, Benjamin, Adorno, Horkheimer, venait d'être traduit. Il faut rappeler cela en France. C'était encore relativement nouveau. arrivée la diffusion de la théorie critique de l'école de Francfort. C'était toutes les thèses sur le conditionnement idéologique, sur la domination de la rationalité technologique. À la limite, je reprends ces termes-là devant vous, mais ils ne sonnent pas de façon creuse, mais ils me semblent usés. Mais bon. Mais c'était ce qu'il représente n'est pas usé, c'est-à-dire la force de l'industrie, la prégnance de l'industrie culturelle. Donc, faisant ces cours que j'avais centrés quand même sur la télévision, je trouvais que le magnétoscope pouvait être un instrument d'analyse formidable pour comprendre comment fonctionnait la télévision. Et puis, évidemment, enseignante dans un département d'art plastique, m'est venue à l'idée, je n'étais pas du tout artiste, mais m'est venue à l'idée que la vidéo pouvait être aussi un moyen de création. Et d'ailleurs, les artistes s'y étaient déjà intéressés bien avant moi. Bien avant, dans certains pays, bien avant même les collectifs militants. Mais alors là, j'ai réalisé tout de suite que j'allais trop loin. C'était pas évident à faire accepter à ce moment-là, et je pense que sans le soutien et l'audace de Bernard Tessèdre à l'époque, ça ne serait jamais arrivé. On a oublié maintenant, enfin vous ne le savez pas, mais il fallait vaincre beaucoup de résistance. C'est incroyable quand on y repense aujourd'hui, à l'université, mais aussi dans les musées. Christine Vanache le sait bien, ça, c'était pas évident d'imposer la vidéo. Alors les résistances, je vous l'ai dit en vrac comme ça, puis vous vous en doutez, elles concernaient le coût, enfin ce qu'on me disait tout le temps, le coût d'un matériel fragile, les petites dimensions de l'écran, les difficultés du montage, c'était tellement plus simple en cinéma, il n'y avait qu'à couper-coller, on était tranquille, et puis la facilité d'effacement, hein, vous pouvez effacer. Et alors ça, plutôt d'être considéré comme un point positif, c'était au contraire un tollé. Ça allait encourager auprès des étudiants les brouillons. Ils n'allaient pas faire attention. Alors c'était cette mauvaise image, évidemment. Surtout la mauvaise image par rapport... Alors là, les collègues du cinéma, c'était la bagarre. Mais qu'est-ce que c'est que cette image avec un grain affreux? Et c'était précisément cela qui nous intéressait. Alors évidemment, il fallait ajouter quelque chose que le cinéma n'avait pas, mais je ne commence pas une étude comparée parce que j'ai l'impression de continuer ce système de justification permanente. Mais il faut ajouter la possibilité de ne pas enregistrer, de faire des images sans les enregistrer. Ça, c'était extraordinaire. Moi, je trouvais. C'était le feedback immédiat. Cette possibilité, on le verra dans les différentes luttes, de montrer immédiatement les paroles, de montrer immédiatement des situations. Et puis, bon, la mobilité du système, même si ce n'était pas de la vidéo légère, mais horriblement lourde, qui, moi, personnellement, m'ont envoyé à l'hôpital pour une opération du dos à force de manipuler ces trucs-là. Donc, elle était vraiment lourde. Et j'en connais d'autres qui ont souffert avec ça. Bon, j'avoue que parfois j'ai un coup de regret, de nostalgie à l'égard de la perte de ces rémanences. Aller faire des rémanences avec le numérique, on peut les simuler, on arrive toujours à simuler des choses, ça n'a pas la même qualité. Il n'y a pas cette continuité, il n'y a pas cette espèce de surprise. Vous savez, c'est l'image quand avec ces caméras du temps jadis, on orientait la caméra vers une source lumineuse trop forte, ça faisait une sorte de traînée lumineuse. C'était magnifique. Et là, des artistes comme Thierry Kunzel, par exemple, ont exploité ce qui était considéré comme, pas une panne, mais un problème technique. Moi, j'ai passé mon temps, les premières années d'enseignement de la vidéo, j'avais un atelier. Parce qu'à l'époque, je savais encore manipuler ça. Maintenant, avec le numérique, je ne sais plus rien. On pouvait accéder aux machines. Je passais mon temps à dire aux étudiants, attention, la caméra, il y a une lumière, à masquer les lumières, parce que nos caméras étaient fichues au bout de quelques séances. Le tube était marqué, et après, on ne pouvait plus rien faire. Bon, ça peut être un autre débat. Mais bref, les images floutées, les rémanences, le grain de ces vibrations électroniques, je trouve, avaient des qualités surprenantes. Et puis, bon, je disais tout à l'heure, cette vibration était importante. Et la vibration électronique, c'était autre chose que de la technique seule. On y arrive. Alors bon, je notais, moi, un petit peu dans la foulée de ce qui a été dit tout à l'heure, que je trouve que nous avons, au début de la vidéo, nous avons été empoisonnés par les débats sur la spécificité technique. Encore un coup. En quoi la vidéo est-elle différente du cinéma? Est-elle mieux que lui? Etc. C'était un mauvais débat qui demandait toujours qu'on se justifie. Il fallait toujours renouveler, prouver la légitimation de cet outil et encore plus dans l'art contemporain. Et alors le revers de ça, c'est qu'il fallait, c'était très très pervers, parce que si la vidéo pouvait faire cela, il fallait le faire. C'est-à-dire que la spécificité fermait des possibles. Il fallait s'en tenir au spécifique. Gare à qui osait faire un montage qui pouvait ressembler un peu au cinéma. On me disait, mais alors quoi? C'est de la vidéo ou c'est du cinéma? C'était pas important. Donc là, il y avait quelque chose qui était assez plus complexe que de simples boutades. Peut-être que je fais de la caricature, mais c'est une caricature qui est restée comme ça dans ma mémoire, en tout cas. Bon, moi, je me suis formée sur le tas comme les autres, avec un stage au CNDP. En pratiquant, j'ai fait un film sur le théâtre de l'opprimé, qui est très certainement perdu, je ne sais pas où il est. Et par contre, j'en ai fait un autre que j'ai retrouvé, que je l'avais fait dans le bus. Donc, je ne l'ai pas recherché, mais je l'ai, ça, je l'ai vu, qui s'appelle « Mon avenir, c'est d'être manœuvre ». C'était sur des jeunes travailleurs à Rosny-sous-Bois qui étaient analphabètes et qui, du coup, pouvaient pas lire les annonces et restaient analphabètes. Et restaient sans travail. Alors, j'ai demandé plusieurs fois de l'aide, justement, à Carole et Paul Rousseau-Poulos ou à Anne-Marie Faure. Je suis venue te voir deux, trois fois comment on monte tel truc. Et bon, il y a sûrement quelque chose à faire encore sur la manière dont on montait à l'époque. Vous vous souvenez, hein, Yvonne, Anne-Marie, Thierry, les autres, les croix, on faisait quatre croix blanches sur la bande et paf, à la quatrième, on enfonçait pour être sûr d'une synchronisation entre le lecteur et l'enregistreur. Quand j'y repense, c'était fou. Maintenant, ça se fait automatiquement. Le tourner-monter est quelque chose d'aisé. À l'époque, c'était vraiment pas possible. Enfin, c'était infernal. Et on avait encore des effets drapeaux, des sortes de synchro. Enfin, à y penser plus tard, c'était des nuits héroïques, en fond, qu'on passait. Hein? Alors, là, c'était déjà dans ce bouquin, j'ai travaillé sur des pratiques de la vidéo en France, parce que c'était la situation où je connaissais, qui était plus près de moi, qui m'était accessible, et puis aussi parce que toutes ces productions militantes étaient quand même, ou sont, étroitement liées, non seulement à un langage, mais à un contexte historique précis. J'aimerais bien savoir, peut-être au cours de vos séminaires, ça va se dégager, si les réalisations qui ont été faites par des collectifs militants ont été montrées à l'étranger, ont été montrées dans d'autres contextes, et qu'est-ce que ça devient du tourisme militant, ou quoi, qu'est-ce que c'est? Bon, contexte historique précis, la France. Mais je rappelle, ça a été dit tout à l'heure, il ne faut pas oublier que c'était un mouvement, il s'agissait d'un mouvement international de contestation, et d'un soulèvement qui était bien plus large, de recherche d'alternatives à, je reprends les termes de Marcuse, à une pensée unidirectionnelle, façonnée par l'industrie culturelle et qui sévissait dans tous les pays industrialisés. C'était partout, dans tous ces pays, une opposition Canada, États-Unis, Japon, je parle des pays industrialisés, une opposition à l'unidirectionnalité des grands médias et à leur monopolisation de l'information. Donc j'étais en train de dire que tout ce mouvement, que tous ces développements des tout débuts de la vidéo et des pratiques politiques militantes se sont développés simultanément dans le monde entier. Et au début des années 70. Alors, de manière évidemment très différente, mais si j'évoque comme ça deux, trois éléments, et là, il y a une grande recherche aussi que j'aurais bien aimé, que je ne ferai jamais, mais maintenant, mais j'aimerais bien la voir, sur, précisément au niveau international, comment ça s'est passé. Parce qu'aux États-Unis, bon, on sait qu'il y avait le collectif vidéo Randoms Corporation, qui avait été créé par Michael Sanchonberg, Paul Ryan et d'autres en 69, qui éditait un journal de contre-culture, on ne disait pas militant, mais ces variantes étaient importantes. Hein. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Radical Software, et qu'en 1971, Michael Sanchonberg a intitulé un de ses livres « Guérilla Television ». Tout à l'heure, j'entendais Hélène parler de guérilla, vidéo guérilla. Et là, je me demande si c'est un terme qu'on utilise maintenant à nouveau, parce qu'en France, on n'en parlait pas comme ça. On parlait de vidéo militante. Bon, après, on a abandonné le terme de militant, hein, au profit d'intervention, d'engagement. Tout ça, ça s'atténuait et c'est une évolution qu'il faudra reconsidérer. Je trouve qu'il faudrait aussi parler de la Kitchen entre 1971 et 73 autour de Steina et Woody Wasulka. Il y avait des artistes, mais il y avait aussi on ne les appelait pas des militants, mais des personnes qui produisaient des vidéos impliquées dans des... Ça va ? Impliqués dans des approches sociales, qui intervenaient sur des questions sociales. Je vous donne quelques variantes. À Buenos Aires, le Centro de Arte y Comunicación, Centre d'Art et de Communication, CAYC, qui a été créé très tôt, en 69, par Jörg Glusberg, était un lieu de rencontre plutôt d'intellectuels, d'artistes. Il n'y avait pas vraiment de projet militant ou d'approche militante au sens où on l'entendait en Europe, même dans un sens large. Il s'agissait plutôt d'une approche de communication, d'échange. Il ne faut pas négliger non plus, dans ces débuts de la vidéo, l'importance de la télévision par câble. Hein. Ça a été quelque chose d'important dans le développement des pratiques nouvelles de production et dans les échanges, justement, à travers ces médias. C'était au Canada, beaucoup, mais aussi en Espagne, avec Vidéo Nouveau, en catalan. Il y avait, cette dimension internationale était vraiment essentielle et il y avait beaucoup plus d'échanges qu'on ne pensait. Il y avait des circulations, des actions concrètes d'un pays à l'autre. Je vais juste prendre un exemple, le Japon, où le porte-à-pas a été produit par Sony. Donc, ils auraient dû être les premiers à s'en servir. Ils s'en sont servis les premiers, mais pas du tout dans le contexte dont nous parlons ici. Curieusement, en novembre 1971, Michael Goldberg, qui venait du Canada à Tokyo, qui est venu à Tokyo pour rencontrer des artistes susceptibles de participer à un projet de réseau de communication globale fondé sur des échanges de lettres vidéo, là je vous cite la déclaration de Goldberg et d'autres, et des Japonais, et c'est à cette occasion qu'il a incité plusieurs personnes, artistes et autres, à utiliser le porte-à-pac. Il leur a expliqué le fonctionnement du porte-à-pac. Alors, parmi ces personnes, il y avait plusieurs femmes pionnières, en particulier des femmes, comme Mako Hidemitsu et Fujiko Nakaya. Il y en avait beaucoup d'autres. Il y a eu 28 artistes japonais, 28 vidéos, pardon, produite entre autres par des artistes qui ont été présentés dans une exposition réalisée par Michael Goldberg qui s'appelait Kit Do It, comme ça. J'ai oublié ça. Alors, un exemple de l'étranger, et puisque Hélène m'a tendu la perche avec Fujiko Nakaya sur cet artiste qui est plus connu maintenant pour ses sculptures de brouillard, mais qui a été vraiment une pionnière de la vidéo et une de ses principales actrices. Elle a réalisé en collaboration avec Akudo Kobayashi un film qui est... elle a filmé un sitting de soutien aux victimes de Minamata. Ils étaient victimes d'une maladie neurologique, d'une maladie grave due au rejet de mercure dans la mer et donc aux poissons que les gens mangeaient dans la région de Minamata. Rejet de mercure par une usine pétrochimique. Et donc, il y a eu un comité de soutien qui a fait un sitting de plus de 120 jours. Elle a filmé la 81e journée devant l'entreprise Shiso à Tokyo. Donc tous les jours, les gens dormaient dans une tente devant l'entreprise et la vidéo était là. Elle était là pour enregistrer ses actions, mais aussi pour les remontrer immédiatement. Donc le feedback, là, était extrêmement important. Les militants pouvaient réexaminer ce qui s'était passé dans la journée, l'évolution des événements. Et puis ensuite, elle a co-fondé, c'était un groupe, précisément Vidéo Iroba, qui était une commune, ça veut dire communauté vidéo, je ne parle pas le japonais, c'est ce qu'on m'a dit, le premier groupe de vidéastes japonais. C'était juste un exemple pour montrer à la fois la circulation et puis que l'idée de collectif militant a vraiment existé dans d'autres pays, vous en doutez. Je ne parle pas de l'Europe maintenant. Alors, si je reviens au début de la vidéo en France, ils sont liés, ça a été dit, à la création de collectifs militants, mais aussi, et beaucoup, à des pratiques d'artistes, de cinéastes. Cinéastes, vous les connaissez, Godard, c'est toujours les mêmes, Godard, Ruiz. Alors moi, j'en parlerai pas du tout aujourd'hui, parce que j'ai pensé que ce séminaire, cette série, s'y intéressait pas, mais j'ai peut-être eu tort, après ce que vient de dire Hélène, où vous étudiez mais tous les Tu reviendras pour parler du reste, par la suite. Et alors, ça m'intéressait justement dans ce livre, en fin de compte maladroit, parce qu'il est vraiment... Il y a quelque chose sur l'art vidéo qui commence à la page 175 et qui, le livre, il fait, je ne sais pas quoi, 248 pages. Vous voyez, ce n'est pas beaucoup sur l'art vidéo. Je ne connaissais pas encore beaucoup à l'époque non plus. Mais il me semblait qu'il n'y avait pas de rupture et qu'il était important de considérer ensemble ces questions, ces recherches, ces expérimentations. Que ce qu'avait apporté... D'abord que certains... vidéastes appartenant à des collectifs dits militants pouvaient, ou après, avec le recul de l'histoire, on dirait, auraient tout à fait pu se revendiquer comme artistes. Ça, c'est le jeu de la critique et de la diffusion qui est là. Et puis, beaucoup d'artistes avaient aussi des pratiques que l'on pourrait considérer comme militantes. Je pourrais prendre l'exemple de Neil Yalter, évidemment. Bon, mais je ne rentre pas là-dedans maintenant. Les premiers collectifs étaient constitués, alors ce que je disais, la danse était par des noyaux stables, ça se discute, mais c'est-à-dire par des couples, là ça ne se discute pas, comme Carole et Paul Roussopoulos pour Vidéo Out, comme Michel et Yvonne Mignot-Lefebvre dans Vidéo 00. Il y avait aussi Jean-Paul Fargier, Daniel Gégy. Bon, il y avait plusieurs comme ça collectifs qui se limitaient pas au couple, mais qui avaient pour couple Qu'est-ce que j'ai dit ? Pour couple le base, ça donne rien. Et puis il y avait tous les groupes, plusieurs groupes de, aussi de femmes comme Vidéa ou les Insoumuses qui étaient capables de se recomposer en fonction des projets. Et ce que je voudrais dire par là, c'est qu'il y avait vraiment une souplesse que je trouve tout à fait intéressante dans ces collectifs. C'était cette reconfiguration possible, cette façon d'inviter ou de convier au collectif d'autres personnes. Mais ce que je voudrais dire surtout, c'est qu'il pouvait y avoir du collectif dans la pratique d'une personne. Le collectif à un. Alors, ça marche. Quand je dis ça, c'est pas de la provocation, mais c'est pour dire que le collectif, c'est pas un décompte. C'est pas une question de nombre seulement. C'est un processus. C'est un état d'esprit. Et surtout, dans ces pratiques militantes, c'était d'emblée un collectif. Parce que la production, même s'il y avait une personne qui filmait, qui était là, mais c'est, d'abord, c'était pas toujours seulement une personne. Ça pouvait être tout un groupe de personnes qui filmaient. Et puis, la production, la diffusion, tout ce travail n'isolait pas, comme il y a une tendance dans le cinéma. Je me retourne vers Alain, mais je le vise pas. Non, non. Il y avait cette idée comme ça de production collective. C'est plutôt ça que, sur cela que je voudrais insister. Bon, pourquoi on les disait militants ? Vous le savez, hein, c'est parce que c'était généralement des groupes qui participaient avec la vidéo à des luttes que je vais vous éviter. Non, je vais vous éviter la liste, mais c'était vraiment toutes les formes d'oppression et de violence. Mais aussi, et c'est un autre aspect dont je vais parler tout à l'heure, c'était des gens qui intervenaient sur le plan idéologique. Là, ce n'est pas anodin de constater que certains membres de ces groupes avaient quand même une formation plus ou moins universitaire, hein, Yvonne, ou alors venaient de milieux plus intellectuels. Ça n'est pas anodin, comme Jean-Paul Fargier ou d'autres gens, Daniel Gégy. Ça veut dire aussi qu'ils s'intéressaient au discours, à la formation des stéréotypes, à tous les codes de la domination. Et je trouve que le militantisme, à l'époque, et d'une certaine manière, je regrette le terme, où je ne vois pas pourquoi on ne l'utilise pas, on ne l'utilise plus. C'était une posture beaucoup plus ouverte que ce à quoi on tentait de le réduire, c'est-à-dire au schématisme didactique. C'est mal, à mon avis, c'était mal le connaître. Il y avait beaucoup d'ouverture.